Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Délivrez-nous. On ne sait plus comment on a introduit cette émission. Le podcast qui vous fait rester dans le temps, mais très très longtemps. Oui. Bonsoir Dino. Bonsoir Bibiche. Comment vas-tu? Écoute, moi je trouve ce mois d'octobre interminable. Moi aussi, tu m'as piqué ma réplique. Puisque nous sommes aujourd'hui le 892 octobre 2022. Eh ouais, 2022. Vivement, vivement le 1er novembre. Oui, c'est un mois d'octobre interminable. C'est vrai qu'il fait froid. Ça n'a aucun rapport avec le... Ah, mais peut-être la dimension interminable liée au froid. Le froid pourrait laisser penser que c'est interminable. J'essaie de comprendre ce qui se passe dans mon cerveau, qui ne fonctionne plus comme le 12 octobre. C'est le 892. Pourquoi le 12 octobre? Comme ça, c'est le hasard. Qui c'est fait une que date qui te vient comme ça, spontanément. Le 12, ça sonne très bien le 12 octobre, ça je trouve. Ça ferait une très bonne date d'anniversaire. Oui, pour toutes les personnes, le 12 octobre, elles seront d'accord avec toi. Oui, c'est vrai. Par contre, le 11, non. Non, bah, ah, non, oui, pour eux, ça ferait un deuxième cadeau le lendemain. Ah non, tu peux pas avoir deux anniversaires. Non. C'est con. Non, mais juste le 12 octobre, c'est une bonne date. Et puis les autres, on s'en fiche. Ouais. Bon, petite parenthèse, le 30 octobre aussi, c'est pas mal. Hein, parce que c'est vrai. Quand même, non, non, c'est vrai. C'est un mois spécial, le mois d'octobre. Tout à fait. Tout à fait. Très long. Très long. Heureusement qu'il n'y a pas une date d'anniversaire qui est le 891 octobre, parce que je ne pense pas qu'elle serait fêtée très souvent. Putain, l'année de bissextile de la mort, quoi. Ah, c'est plus que du bissextile, là. Ah, c'est là, du... Il faudrait qu'on sache en quelle année on est si tous les mois d'octobre faisaient 892 jours. Depuis le début ? Depuis le début de l'humanité. Bah ça veut dire déjà que tu aurais des années qui feraient 892 plus 365 un quart. Oh arrête là, c'est 364 trop compliqué. 364 un quart. Faut tirer un joint. Attends. Non, moi j'ai pas signé pour parler faire des maths toute la soirée. Hein. Non, alors expliquons quand même à nos auditeurs, il se pourrait que tu hoquettes. Non, c'est passé. C'est passé. Grâce à une cuillère de sucre. Tout à fait. Qui chez toi est efficace ? Toujours. Ouais. J'en ai même pris deux. T'en as pris deux ? Oui, parce que ça n'a pas marché du premier coup. Gourmande. J'aime pas les cuillères de sucre, c'est dégueulasse. Bon, on va pas mentir à nos auditeurs. On n'est pas vraiment le 892 d'octobre 2022. Quoi ? C'est pas vrai. Non, on est le 10 mars 2025. Oh, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps ? Il s'est passé... En fait... Je ne sais pas si tu te rappelles. Alors, déjà, je crois que la précédente émission n'avait pas été enregistrée très, très dans les temps non plus. Déjà, je pense que c'était un mois... c'est con, j'ai pris plein de notes dans ce livre. mais je ne sais pas si tu te rappelles, le challenge du mois d'octobre, oui. C'était un livre sur les couleurs de Michel Pastoureau. Oui, je m'en souviens. Ça fait à peu près 2 ans que le livre est sur notre table de nuit, qu'on l'a fini l'un et l'autre. Moi, je ne l'ai pas fini. Tu ne l'as pas fini ? Non, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Hein. Et c'est seulement vers le 542 octobre que je suis rentré dedans. Et vers le 668 octobre, je me sentais bien dedans. Et c'est vers le 713 que là, je me suis dit, et si je le finissais ? Là, tu es reparti dans les maths et c'est en train de me rendre. Et en fait, je ne l'ai jamais fini. Alors, il se pourrait qu'il y ait eu des petits sujets de distraction entre-temps. Hein. Mais Alors, moi, je l'ai fini. Je suis allée vérifier dans ma liste de livres lus en 2023. Je l'ai fini en janvier 2023. Pas mal. C'est déjà bien. Ça ne fait que 2 ans et 2 mois. C'est ça. Pas mal. Donc, autant te dire que je n'ai plus aucune idée de quoi ça parle. Enfin, si, un peu, mais d'une couleur. Ouais. J'ai un petit indice sur la couverture. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on va parler de livres qu'on a lus il y a un certain temps. Est-ce qu'on en a gardé ? Est-ce qu'on en a gardé ? Alors, ça risque d'être court. Il faudra sans doute qu'on trouve un autre sujet à aborder dans cette émission. On va chercher, on va peut-être trouver... Qui sera la dernière émission ? On peut déjà l'annoncer aux gens. C'est la dernière émission du mois d'octobre 2022. Oui, ça, c'est y sûr. Y compris du mois de novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, 2024. Si on pouvait passer directement au mois de mars 2025, ce serait pas mal. Ouais, on en rediscutera en fin d'émission. Je pense qu'il faut qu'on renvoie un peu le concept de la chose. On sait plus trop comment on fait les émissions. Ça fait 2 ans qu'on en a pas fait. Alors oui, petite parenthèse. Si vous écoutez cette émission, déjà, merci. Merci d'avoir gardé ce flux actif. Oui, parce qu'on n'a pas dû beaucoup vous embêter au niveau mise à jour depuis 2 ans. Merci de nous avoir suivis sur un réseau social qui n'est plus Twitter. Je pense que déjà à l'époque, c'était encore Twitter. C'était encore Twitter. Mais c'était j'étais encore sur Twitter. Moi, le jour où ça a été racheté par Elon Musk, j'ai quitté Twitter. T'étais à l'avant-garde, ma chérie. Bon, de toute façon, déjà, je le fréquentais pas beaucoup. Donc, Elon Musk, c'est dommage que tu ne l'aies pas davantage fréquenté. On serait milliardaire aujourd'hui. De l'extrême droite, mais milliardaire. Non, je peux pas. C'est pas possible. Puis on roulera en Tesla. Non, on peut pas. Puis tu te rends compte, une voiture électrique. Jamais. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans nos vies depuis ce 892 octobre. Et la voiture électrique, c'est pas le plus gros changement. Donc oui, juste déjà vous remercier d'avoir gardé ce flux actif. Merci. Voilà. Surprise de ce nouvel épisode. Et puis, il est possible aussi que les anciens épisodes soient toujours dans votre flux, mais qu'il n'y ait pas de fichier derrière. C'est normal. Oui, j'ai testé. On va résoudre ce problème, puisque entre temps, y compris pendant cette période de 2 ans et demi quasiment, outre différentes guerres, la fin du monde proche, et un élargissement, élargissement. Élargissement, on y reviendra plus tard. Il se pourrait que j'ai aussi oublié de renouveler pour la 13e fois dans ma vie l'hébergement web de mon site internet qui, ils sont gentils, mais ils ont arrêté d'héberger les fichiers. Tu veux dire qu'ils ne le font pas bénévolement ? Non. C'est pas très aimable de leur part. C'est comme ça. On ne les dénoncera pas, mais voilà, Vix Online. Non, en plus, c'était un bon fournisseur. Du coup, tu vas changer ? Du coup, on va aller mettre sur un truc qui ne nous coûte pas d'argent, puisque budgétairement, à part acheter une nouvelle table de mixage, dont je n'avais pas besoin, puisque j'en avais une autre qui marchait très bien. Oui, qui mais n'avait pas servi depuis 2 ans. Elle fait des boutons de lumière, c'est bien. C'est joli. Il y a plein de couleurs partout. Ouais, ça n'arrête pas. Dès que je parle, ça bouge. Mais ce que je trouve génial, surtout, c'est qu'il n'y ait pas d'écran d'ordinateur entre nous. C'est vrai. Avant, il y avait ça, et maintenant, il n'y a pas. Alors, ça se trouve, ça n'enregistre pas ou mal. Et on ne s'en rendra pas compte. Mais avant, de toute façon, l'écran d'ordinateur ne... Et j'ai changé 2 fois d'ordinateur depuis. Donc... Non, c'était encore le gros moche, le Asus, là. Oh, je ne sais plus lequel t'avais. Écoutez, voilà. Là, on a bien raconté notre vie. Peut-être arrêter de raconter notre vie. Je trouve qu'on n'a pas dit grand-chose encore. C'est vrai. Bon, vous l'aurez deviné au titre, peut-être. Je ne sais pas. Je me disais peut-être que cette émission pourrait s'appeler « Bibi Chedino lise un livre dont il ne se rappelle plus ». Parle d'un livre dont il ne se rappelle plus. C'est ça. Donc, en fait, reprenons le concept de l'émission. Oui, rappelons donc du coup le concept de l'émission. C'est vrai. Pour les nouveaux qui nous découvriraient. Bonjour, bienvenue. Donc, le concept de l'émission, c'est normalement, on a un sujet de livre que l'on doit lire dans un mois, un vrai mois de 30 ou 31 jours. Et à la fin du mois, on fait un podcast où on échange sur les livres qu'on a lus, et voilà. Et comme on tient vraiment à ce concept fort et inédit auquel personne n'avait pensé, non, tout à fait. Du coup, on rallonge les mois. C'est beaucoup trop, tout à fait. Je les couperai au montage. Merci. Non, pas du tout. Avec ma nouvelle table de mixage, je peux le faire. Je peux même te couper directement au montage. Oui, je sais, mais là, c'est en rouge, donc ça veut dire que ça... Je peux te couper le son, et même je peux retirer ta voix. Mais après, du coup, ce sera juste un monologue. Les auditeurs sont habitués. Enfin, les anciens auditeurs sont habitués. Oui, alors moi, cette émission-là, je ne l'ai jamais entendue. Cette émission-là ? Toute première qui a lancé. T'as jamais entendu le Dars Autocritique ? Jamais, jamais, jamais. Ah, il faudrait que je te fasse écouter. Ah non, je sais, non. Mais j'ai jamais réussi à le trouver. Je crois que je l'ai dans. Ah, je ne suis pas sûr que je l'ai encore. On dit Grèce. Grèce. Voilà, merci Bibiche. Donc le concept de l'émission, c'est qu'on lit des livres sur un thème. Le dernier thème qu'on s'était donné, c'était un livre sur les couleurs de Michel Pastoureau. Ouais, moi c'est un thème que j'aimais beaucoup. C'est toi qui l'avais imposé. Moi qui l'avais suggéré. Après, on s'était dit c'est intéressant. On voulait lire au début un livre d'histoire, un vrai livre d'histoire. Moi, j'aime pas ça. Formation d'historien, je mets les livres d'histoire, ça me fait chier. Et moi, j'aime pas ça parce que j'aime pas l'histoire. connasse. Ah, bah tu te regrettes maintenant, hein, Madame Musk. Fallait pas me tromper. Donc, ouh, du coup, joli. C'est cadeau, c'est la maison qui offre. T'as pas mis sur ta table de mixage le truc J'ai pas de table de message. On appelle ça un téléphone. voilà, c'est une table sur laquelle je fais table de mixage, carrément. Et non, j'ai des applaudissements, si tu veux. Ouais, mais là, c'est un peu à retardement, donc ça vaut pas le coup. On pourrait dire une fontaine aussi. Très bruyante, ta fontaine. Une cascade, plus qu'une fontaine. Très, très bruyante. Ouais. Donc du coup, on s'échange les livres ? Bah oui, tiens ! Oh, hein ? Un livre de Michel Pastoureau ! Un livre bleu de Michel Pastoureau. Il est vraiment bleu en plus. Mais toi, il est noir et il y a du rouge. La couverture est moins dure. Non, le tien, non, je sais pas. Le mien est plus dur que le tien. Parce qu'il est plus gros. Fais voir la couverture. Titre. Ah oui, ta couverture est plus épaisse. Ouais, c'est vrai. Donc, prenez ça les mecs. Qui s'est dit qui commence ? Putain, il y a ton marque-page à l'intérieur. C'est lequel ? C'est le... Ah, bah, je savais pas où il était passé. Eh ben, ça fait 2 ans et 2 mois qu'il est dans ce livre. Ah bah oui, je risquais pas de le retrouver. C'était le marque-page du challenge lecture, en fait. Alors, on peut commencer par le livre originel. Oui, mais c'est vrai, chronologiquement, c'est le premier. Alors, peut-être faire... bon, on va pas berner les gens. On va pas vraiment leur faire les critiques des livres. Déjà, le thème était audacieux. C'est-à-dire de vous faire une critique des livres de Michel Pastoureau. Moi, c'était surtout l'occasion de parler d'un genre de l'histoire que j'aime beaucoup, qui est l'histoire des concepts, des idées, voilà. Il y a tout un champ de l'historiographie qui est assez récent, et notamment lancé par Michel Pastoureau, qui est un historien qui a pris le pli. Petite référence vestimentaire, qui a lancé en fait un courant autour des couleurs. Initialement, il faisait que le bleu, parce que le bleu est une couleur. Oui, d'ailleurs, ça, c'est un des trucs dont je me souviens de ma lecture, c'est qu'il dit qu'il n'y aura pas d'autre. Oui, et depuis, il a fait le jaune, le vert, le rouge, le noir, je crois qu'il y a le violet aussi. Oh, je ne sais pas. Il y a tous les Power Rangers, quoi. Mais du coup, c'est un historien qui fait véritablement l'histoire de la couleur. Et moi, le bleu, je n'ai pas lu, mais on avait un sujet d'histoire avec mon meilleur ami, Shinji, cofondateur du service après-vente de la F1, qui l'avait lu à la fac pour en faire une analyse. Et moi, j'avais lu un autre livre sur l'histoire de l'Atlantide, récupéré par l'imaginaire nazi. Extrêmement d'actualité. Et donc, du coup, voilà, on avait beaucoup échangé. Donc, c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant d'aborder l'histoire sous des angles, un angle différent, typiquement l'angle de la couleur. Donc, toi, quel souvenir as-tu de ce livre, même si je ne m'attends pas à une critique Alors, il avait d'abord dit qu'il n'en écrirait pas d'autres. C'était juste un livre, qu'il n'avait pas l'intention de faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que j'en ai retenu ? Que le bleu n'est pas une couleur qui est venue tout de suite. Enfin, c'est quand tu penses à l'Antiquité et tout, le bleu, ça faisait pas forcément partie des couleurs. Le bleu, il est venu, il est remonté à la surface beaucoup plus tard. Et en dehors de ça, j'ai pas gardé grand-chose. Est-ce quel souvenir tu gardes du livre en termes d'expérience de lecture ? Est-ce que c'était quelque chose de désagréable ? Tu disais que tu aimais pas l'histoire. Alors, j'aime pas l'histoire et en général, j'aime pas les livres qui ne sont pas des romans. Enfin, j'aime que ce soit une fiction. Enfin, j'aime pas tout ce qui est non-fiction. Après, tu avais lu Le plancher de Joachim ? Le parquet de Joachim ? Le plancher de Joachim, je sais plus. C'est des planches, il y a Joachim. Je sais plus comment il s'appelait. Le parquet de Joachim ? Ça sonne bizarre. Attends. Le parquet de Joachim. Je vais le regarder dans. Meubles, je vais chercher dans ma liste. Alors, de attends, lecture. Je vais sur le site d'IKEA. Le plancher de Joachim. C'est IKEA. Au pire, tu couperas au montage. La meuf qui croit encore que je fais du montage. Je n'ai plus le temps de me faire. C'est plus facile. Le plancher de Joachim. Le plancher de Joachim, ouais. C'est possible. Oh, c'était l'année où j'ai lu beaucoup trop de livres en même temps. Oui, dans le village de l'écrotte. Désolé, ça me fait. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai que ça a été une manière d'aborder. Alors, permettez-moi, chers auditeurs, de faire un petit rappel à Bibiche. Il faut que tu te rapproches du micro. Oui, j'ai perdu l'habitude d'utiliser un micro. Donc oui, c'était une manière d'aborder un sujet qui m'est pas familier, Puisqu'en plus de pas être habitué à lire des romans qui des livres qui ne sont pas des romans, en plus les romans, j'aime pas particulièrement les romans historiques. Donc, mais je sais que j'avais eu du mal à me mettre dedans au départ, mais qu'une fois que j'ai passé les, on va dire les présentations, l'explication de ce qu'il fait et tout, et il a vraiment au moment où il a vraiment commencé à expliquer le fait que le bleu n'existait pas en tant que tel, en tant que couleur à l'Antiquité, et que petit à petit la place, que le moment où c'est apparu, le moment où c'est où ça a pris vraiment le dessus, et où aujourd'hui encore le bleu c'est une des couleurs les plus je crois les plus aimées, si on fait un sondage de la couleur préférée des gens, le bleu fait souvent, sauf ta mère évidemment, oui c'est une, enfin on en reparlera. c'est aujourd'hui une couleur qui est essentielle et qui est très importante, et alors que elle n'existait pas autrefois, et j'ai aimé le fait d'apprendre d'apprendre, de découvrir. Ça a été très intéressant à lire. D'ailleurs, je l'ai fini. Toi? Non, non, pas moi. C'est plus moi qui me demandais si j'arriverais à le finir quand on l'a mis parmi les sujets de l'année, et que j'ai commencé. J'étais pas sûre dès le départ que j'arriverais à le finir. Oui, parce que je t'ai pas senti non plus en difficulté sur le livre. Voilà, c'est pas un livre que tu as dévoré, etc. Non, non, non, mais je t'ai pas senti galérer. C'est ça. J'ai plus galéré sur certains romans qu'on a lus pour le challenge lecture. Et donc voilà, j'ai fait le tour de bleu. Alors, moi, noir, tout pareil, mais avec le noir. Non mais le noir existait déjà, lui, par contre. D'ailleurs, je suis même pas sûr que le noir existait. C'est pas plutôt le sombre. Il y a toute une partie, effectivement, il y a toute une partie où il explique que déjà que le noir n'est pas une couleur. Le noir n'est pas une couleur en fait, et le blanc non plus. Le blanc c'est de la lumière et le noir c'est l'absence de lumière. Et où en fait le livre est intéressant en partie parce que moi j'ai retrouvé le côté du livre de, alors c'est Pierre Vidal-Naquet qui avait écrit son livre sur l'Atlantide de mémoire, et j'ai retrouvé ce côté intéressant. On est sur l'histoire des perceptions, des pensées, etc. Et le noir c'est un bon exemple parce que le noir c'est une couleur qui est connotée. C'est la couleur du deuil, etc. Et en fait, il explique comment, dans l'histoire, en fait, la perception de la couleur a beaucoup évolué, y compris par exemple au sein même de l'Église, où c'était une couleur à éviter. Puis c'est une couleur qui a eu sa forme de popularité, d'où les habits noirs corbeaux des prêtres, etc. Voilà, c'est surtout ce qui est intéressant. En fait, moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant, mais c'est ma vision aussi de l'histoire, c'est que c'est certes de l'histoire, mais c'est de l'histoire qui nous explique le monde. C'est intéressant parce qu'en fait, tu te concentres pas sur une période de l'histoire. Tu revois l'histoire à travers un concept, à travers une idée, à travers quelque chose, et tu vois la manière dont ça évolue, et c'est aussi un reflet de la société au moment où tu découvres la société par un biais différent des cours d'histoire. Oui, et puis ça sort effectivement de l'histoire qui serait cette espèce de truc qu'on raconte, qui est chronologique, qui est typiquement du genre l'histoire. Oui, l'histoire un peu le roman national ou le roman mondial, pour aller vers l'histoire de comprendre le monde et comprendre comment le monde a été construit. L'un des exemples qui me vient en tête, c'est un autre bouquin que j'ai adoré dans ce domaine-là, c'est l'histoire de la taille disproportionnée du sexe des hommes noirs. Il y a un historien qui s'est penché sur ce sujet-là pour voir en fait comment c'était une construction colonialiste, et comment du coup toute l'histoire de la colonisation s'est servie de cette histoire-là et l'a construit, tout comme l'Atlantide, comment on s'est servi. D'abord ça a servi, je crois que c'était en Suède, etc., les mythes scandinaves, puis ça a fini par être approprié par les nazis quand on fait un élément de leur mythologie qu'ils voulaient construire. J'avais absolument aucune idée que l'Atlantide s'était lié aux nazis à un moment donné. Pas du tout, en fait. C'est une vraie histoire. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ça a été réapproprié. J'avais pas d'idée que les nazis s'étaient approprié le mythe de l'Atlantide. La dégénérescence de mémoire, c'est à la fois le peuple disparu et la dégénérescence de la race, en fait. Enfin, voilà, oui, effectivement. Il y a des passerelles. Mais c'est des trucs qui sont... Je trouve que c'est... Pour moi, c'est la définition de l'histoire, c'est que ça te permet de mieux comprendre le monde. Et c'est vrai que par le biais des couleurs, le fait de faire une histoire juste sur une couleur, ça t'amène toi-même à te poser la question de, pas tant que ton rapport aux couleurs, mais c'est typiquement, en vrai, c'est des trucs qui nous accompagnent tous les jours. J'ai un vêtement rouge en face de moi, j'ai un bleu, pourquoi ils sont de telle couleur? Quelle est l'histoire de cette couleur? Et en fait, tu ne te poses pas la question. J'ai une chaise, quelle est l'histoire de la chaise? Et en vrai, la chaise, elle a une histoire. Oui, elle vient de Suède. Celle-là, elle vient de Suède. Peut-être pas. Where do you come from, little chair? Elle ne parle pas. C'est une chaise qui ne parle pas. Donc, on ne pourra pas connaître son histoire à elle personnellement. Mais peut-être qu'en se documentant, on peut connaître l'histoire... De la chaise. De l'évolution de la chaise. Des chaises. On peut savoir qui est le père de la chaise. Le père de la chaise. Oui, écoute, je fais des vannes à peu près. Bon, voilà. Moi, en tout cas, je ne peux que conseiller de lire ce type de livre, notamment Michel Pastoureau, qui en plus écrit bien, explique oui, bien. Oui, c'est facile à lire. Ça fait partie de mes appréhensions quand je lis un livre qui... Je peux pas dire un documentaire, mais c'est une non-fiction. Il doit y avoir un autre terme. Mais c'est toujours mon appréhension quand c'est écrit par un spécialiste que ce soit difficile à lire quand tu n'es pas familiarisé avec le domaine. Non, j'ai eu aucun problème à le lire. Ça se lisait très bien. Donc oui, c'est facile à lire. Et ils sont disponibles dans la collection Point Histoire. Voilà, petite collection, les éditions Point. Voilà. Et en fait, c'est le bleu, c'est la couverture, c'est Yves Klein qui a fait la couverture. Tu vois ça quelque part au dos? Ouais, c'est derrière, c'est le relief d'une éponge sans titre. Alors, est-ce que c'est le relief de l'éponge qui n'a pas de titre, ou est-ce que c'est l'éponge qui n'a pas de titre? Est-ce que c'est la photo relief d'une éponge sans titre, auquel cas tu as envie de dire, mais c'est quoi, relief d'une éponge? Oui. Ou est-ce que c'est le relief d'une éponge et c'est l'éponge qui n'a pas de titre? Oh, c'est une éponge, c'est une éponge pas noble, elle n'a pas de titre. Alors, c'est une bonne question. Relief d'une éponge sans titre. Alors, toi, c'est l'homme au turban rouge. Oui. De Jan van Eyck. L'homme au turban rouge pour la couleur noire, je trouve. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais autant toi, ta couverture, elle joue vraiment sur le bleu. Autant moi, ma couverture, c'est du noir. Avec un peu de rouge. Avec un peu de rouge. Bah, en même temps, une couverture toute noire, je ne suis pas sûr que ça soit très vendeur. Enfin, ça fait polar. Ouais, et alors, de mémoire, je crois qu'il en parle dans le livre. Je pense que c'est lié aussi au fait que le rouge aussi est une couleur connotée, comme le noir. Bon, toutes les couleurs sont plus ou moins connotées. Enfin, si tu penses... Une connotation qui peut être négative. Et en même temps, c'est vu parce que ça va très bien. Alors, il faut savoir que le rouge, dans le livre des émotions, du petit monstre des émotions, c'est la colère. Oui. Et le noir, c'est la peur. Oui. Et le bleu, c'est la tristesse. On a que des émotions tristes. On a des émotions très... on est calé en émotions. Et il y a un point violet sur le côté. Celui-là aussi. C'est bien peut-être de la collection. C'est peut-être la collection. Parce oui, c'est la collection histoire. L'histoire, c'est écrit en violet. Voilà. Bon, l'émission a été courte. Hein. Bah ouais, 26 minutes, pas mal. Je trouve que c'est un record. Voilà. Pour une émission qui a mis 892 jours à être... Non, sinon, quoi de neuf? Écoute, pas grand-chose. Quel est le dernier livre que tu as lu? Le dernier livre que tu as commencé et que tu as fini? Commencé et fini, je pense que depuis 2 ans et demi, j'ai commencé et fini... Non, un livre, non. J'ai lu, le dernier que j'ai lu, c'est Le Passeur. Le Passeur, c'est ça? Oui, Le Passeur. Le Passeur, de je ne sais plus qui. Moi non plus. Voilà. Mais il est bien. Mais il est pas mal. Il est bien. J'en ai lu quelques autres, mais à l'occasion de vacances Voilà, j'ai lu un livre de gauche, je crois. Oui, j'ai lu le livre sur la dissolution de 97. Ah oui, que c'est j'ai lu vrai. À la Maison des Vacances. Je m'en souviens. Je me souviens que tu m'en as parlé. Voilà. Mais les occasions de lire des livres sont rares. Oui, ça s'est un peu raréfié depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'avant, on avait le depuis travail. Depuis 2 ans. Tout pile aujourd'hui. En ce 892. Octobre 2022. C'était combien cette date Mais. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas. Oui, c'est-à-dire que notre vie avant, c'était. Des livres, et nous? C'était des livres, des séries, on des regardait séries, la télé, et puis on nos chats. Lire, et puis nos chats. Bon. Petite pensée, dans les changements, une énorme pensée à Chouquette et ses -1 que vous n'entendrez plus. Voilà. Ça, c'est pour. J'ai juste envie de te faire pleurer. Non, t'as pas le droit. Elle est en face de moi, là-bas. C'est ça. Et oui, mais nous avons toujours 3 chats. Toujours 3 chats, parce qu'il y en a un autre qui est rentré à la maison, mais il n'est pas trop d'accord. Enfin, les autres ne sont pas trop d'accord, donc du coup, il y a une petite séparation. C'est-à-dire que le conflit israélo-palestinien s'est un petit peu importé à la maison. voilà, entre d'un côté Dali et de l'autre côté les 2 gros. Ça sera répété à Cibou. Elle sait très bien qu'elle est grosse. Non, elle n'est pas grosse, elle est voluptueuse. Oui. Elle est voluptueuse, mais elle se fait dominer par les autres. J'ai mais pas dit qu'elle. Elle arrive à les faire croire que c'est elle la dominante. Oui, alors il y a qu'elle qui le croit, désolée. Putain, c'est Donald Trump. Oh non, je vais imaginer Cibou avec un toupet jaune maintenant. Ah. C'est horrible. Oh, oui. Oh, vide de l'eau de Javel que je la décolore. Non. Viens, ma Cibou. Non, mais là, on enregistre. Ah, mais si, regarde. Camo est là, sur la chaise. La chaise du piano. Je sais pas, je vois plus la chaise, il y a Cabot dessus. Ah oui, il y a un piano dans cette maison, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Non, c'est sûr. Puisque, bah oui, la raison essentielle pour laquelle on fait moins d'émissions et qu'on a moins de temps de lire, c'est que je fais du piano. Tout à fait, c'est parce que tu fais. Alors, faut que j'arrête avec ces tout à fait. Je vais t'appeler Thierry Roland. Tout à fait, Thierry. Thierry Roland, c'est quoi le féminin de Thierry? Non, tout à fait, Thierry, c'était Jean-Michel Larquet qui le faisait. Ah oui, Jean-Michel Larquet, tout à fait. Non, mais je vais me contrôler. Je souffle exprès dans le micro. Et toi, du coup, en termes de lecture, ces 2 dernières années? Alors, c'est 892 jours dernier. Le dernier livre lu, petite dédicace à Morgane, c'est L'apprentie faucheuse qu'elle m'a prêté, quand est-ce que c'était? Au mois de mai de l'année dernière, que j'ai lu depuis Noël. Et que j'ai terminé il n'y a pas très très longtemps. Et moi, j'ai lu un peu plus de livres que toi, mais... Moi, je lis beaucoup d'articles, de magazines. Du Courrier International. Le Courrier International et Le Monde. Je vais peut-être arrêter, parce que depuis que je commence, Le Monde et Le Courrier International, c'est vrai que... c'est monothématique. Ah, moi, je veux dire que je lis à peu près un livre tous les 2-3 mois. C'est pas mal. C'est on pas est mal. Très loin de ma moyenne d'avant. Moi, c'est tous les 2-3 ans, donc ça va. Parce que oui, effectivement, on a eu quelques petits changements dans notre vie depuis 2 ans, tout pile. Le changement essentiel, rappelez-vous, il y a 892 jours, on avait changé de maison. Oui. On avait d'ailleurs fait une émission, c'était dans la maison des vacances. Mais on avait fait une émission à la maison. Oui, oui, oui, on a fait l'émission sur les bandes dessinées de fantasy. C'est ça. Et en fait, dans cette maison, on avait trop de pièces. Et on a décidé qu'il fallait affecter une pièce à un objet bien précis. Oui. Cet objet fait aujourd'hui 1m06. 1m06. 19,8 kilos. 19,8 kilos, me pète sur les bras quand je le prends dans les bras. non, ce n'est pas Camo. Voilà. Occupe une bonne partie de notre temps libre et une bonne partie de notre temps de lecture. Ah, il faut reconnaître que nos lectures, ces derniers mois, c'est les histoires du soir, c'est le monstre des émotions, c'est un peu moins Petit ours brun et Choupi que ça ne l'a été au début. Oui. Nous n'avons pas arrêté de lire, c'est juste que on a changé. Nécessairement utile de faire des émissions sur les. Alors après, on peut vous parler des aventures de Petit ours brun et des histoires de la patte patrouille, mais c'est un peu moins intéressant. Sauf si vous aussi, vous avez des enfants de 4 ans. puisqu'effectivement, voilà, on s'est équipé d'un modèle récent d'enfant, avec deux bras, deux jambes, une bouche, qu'il faut nourrir. Oui. Voilà. Et un popotin qu'il faut essuyer. Oui. Et donc, depuis deux ans, nous sommes deux reparents avec donc une vie et un agenda de parents. voilà. Ce qui veut dire qu'il ne nous reste à peu près que 0,5% de temps libre. On a le temps, en fait. Moi, j'ai le temps de lire aux chiottes, ce qui me donne un sacré temps de lecture quand il réfléchit. Faut reconnaître que ça doit te faire une heure et demie de lecture par jour. Voilà. Mais que je consacre sur des vidéos YouTube parce que ça me permet de déconnecter mon cerveau. Et moi, je trouve un peu de temps de lecture une fois de temps à autre. Le soir à 23h30, quand tu n'arrives pas à dormir. Oui, ou alors à 21h quand je m'endors sur le livre. Généralement la nuit, quand il est venu te réveiller en disant « Maman », parce qu'il a bien compris que c'est pas papa qu'il fallait réveiller. Ce papa, il n'entend pas, il ne se réveille pas. Oui, ça, il a très bien compris que c'était maman la nuit. Oui. C'est « Maman ». Et quand je l'entends et qu'il dit « Maman », je suis piqué dans mon orgueil de mâle. Je me dis « Non, pour une fois, c'est papa qui va venir. » Pour que tu comprennes quand même de temps en temps, papa, il t'entend. Oui, mais ça, tu peux pas l'entendre quand tu t'endors avec tes écouteurs. C'est vrai, je fais ça aussi. En fait, je te soupçonne de le faire exprès pour que ce soit moi qui me sois réveillée à chaque fois. Putain. Elle m'a grillé. C'était l'idée à la con de faire cette émission. Je savais que j'allais me trahir. Donc non, voilà, effectivement, nos lectures depuis deux ans, c'est ça, avec un temps qu'on a... Alors, c'est pas tout, hein. On était quand même déjà sur un rythme de publication. Il faut reconnaître que la dernière émission du mois de septembre, On devait être vers le 90, quelque chose, septembre. Oui. Donc là, on a fait un facteur 10, mais on n'a pas fait un facteur 900, enfin 300. Donc voilà, on n'a pas fait un facteur 30, on a fait un facteur 10. Ouais, laisse tomber. Je t'ai dit, je ne suis pas sur une soirée maths. Moi. Mais moi, je suis bien là sur les maths. Là, je me sens chaud pour les maths. Vas-y, donne-moi une équation euclidienne à résoudre, tu vas voir, je vais te la résoudre. Je ne sais pas ce que c'est qu'une équation euclidienne. Tu sais, c'est quand tu mets les bâtons, là. Ça, tu fais le Y, mais à angle droit, puis tu mets un chiffre à gauche, un chiffre à droite. Voilà. Je te montrerai. Écoute, oui, c'est pas très... voilà. On révisera ça quand il sera au CM2. Bon, ça va, ça me laisse un peu de temps. On a de la marge. Donc voilà, moins de lecture, mais maintenant un public quand on lit. C'est-à-dire qu'on ne lit, plus trop seul, mais on lit généralement. On lit souvent à haute voix. Et on fait à haute voix, on fait des voix. On est très doué pour les voix. Ouais. Comme je suis content! Celle-là, je la fais en sonnerie sur mon téléphone. Eh ben, tu l'auras là, tu pourras en extraire. Oui, ça, les lectures du soir, on maîtrise avec les voix. On va tellement être triste quand il saura lire sans nous. Non, mais on peut maintenir la lecture du soir, même quand ils savent lire. C'est pas juste lire un livre, c'est un moment de partage. C'est un moment où on est avec. Moi, je fais ça juste pour lire. Ah non, moi je fais ça juste pour lire, je rentabilise le temps. Ah bah écoute, quand tu seras un peu plus grand, tu lui liras, je sais pas moi, un traité philosophique ou Bleu de Michel Pastoureau. J'ai Hannah Arendt, tiens mon fils, tu as 7 ans, tu peux enfin lire Hannah Arendt pour comprendre le monde qui t'entoure. Et tu lui liras, et il t'arrêtera tous les trois mois en disant « Papa, ça veut dire quoi ?» C'est qui les nazis ? Va voir tonton Scanny. Bon, salut d'ailleurs. Très bon choix le Mexique. Très très bon choix. Que dire de nos lectures depuis deux ans ? C'est quand même, essayons de donner un peu le contenu à cette émission qui n'en manque pas. Non, non, non. Mais. Que dire de nos lectures ? J'essaie de trouver autre chose que. Enfin, moi je sais que j'ai lu des livres, mais je m'en souviens pas en fait. Non, mais de nos lectures enfantines. Ah! On découvre, enfin... Alors, les livres de belles histoires sont vraiment adaptés à l'âge. Tu sais, ceux pour les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans. Elles sont vraiment très, très chouettes, ces histoires. Ouais, on a vite jeté notre dévolu. Alors, sur les livres d'histoire, on a très vite introduit la routine, sans rentrer dans les détails, mais... de l'histoire du soir. De l'histoire du soir. Et donc, du coup, on s'est appuyé sur les livres d'histoire des éditions Fleurus. Les gros livres, ouais, des éditions Fleurus, qui sont pas mal, effectivement, qui sont chouettes. Après, il y a différents thèmes. Il y en a un sur lequel on n'avait pas accroché, là, où toutes les femmes, elles ont que des rôles négatifs. Et oui. J'ai pas du tout aimé ça. Moi, j'ai kiffé ce livre. J'ai pas du tout aimé. C'est vas-y, vas-y, donne à ton enfant, le... fais-en un misogyne avant l'heure. Et toi, toi qui fasses Oedipe avec papa. Avec des histoires horribles de marâtre qu'on lui raconte. Mais qui n'est ni plus ni moins qu'un révélateur de la vision des hommes quand ils écrivaient des contes. C'est souvent des sales bonnes femmes. Bah, il y a aussi des sales bonhommes. Oui, mais dans les histoires, c'est toujours la sorcière, etc. Les mecs, ils sont toujours... Mais c'est vrai les que rois, tu... ils sont cons quand et les femmes, penses, elles sont machiavéliques. Quoi. Quand tu y penses, les contes, les classiques, entre guillemets, les contes, ça a tous été écrit par des hommes. Oui, qui visiblement à part pas la les comtesse femmes. De Ségur qui a écrit les nouveaux contes de fées. C'est vrai. D'ailleurs, je me souviens plus si... ce qu'il y a comme histoire dedans. Je me souviens juste de l'histoire d'ourson qui tombe dans un puits, je crois. Il y a des fées quand même à un moment donné. Ah bah oui. D'accord, ok. Il n'y a pas juste des oursons. Non. Ah, bien sûr. Donc voilà, le livre d'histoire des éditions Fleurus, il y a toute une collection avec différents thèmes, dont un avec un panda dessus, qui marche bien à la maison. Oui, il bah, faut dire que... Puisqu'il y a Doudou Panda, voilà. Bao. Et puis, nous, notre collection préférée de lecture, c'est effectivement Les Belles Histoires. Les Belles Histoires, c'est les meilleures des belles histoires du magazine, avec vraiment une thématique par âge, adaptée à l'âge de l'enfant. Là, on a le livre des 2 ans, des 3 ans, des 4 ans. On a le hors-série Les Contes de l'école. Oui. Et bah, on achètera celui de 5 ans au mois d'octobre. C'est ça. Vers le 12. Vers le 12, c'est une bonne date, le 12 octobre. Et non, elles sont très bien, elles sont très adaptées, puis elles sont vraiment, au niveau des thématiques, évolutives avec l'âge de l'enfant. Enfin, on a vu l'introduction de l'école dedans, c'est vraiment les thèmes, et puis les images, et puis il y a profusion de voix à faire. Oui, et... ça c'est très galère. Tu fais très bien le dragon aux yeux de Jade oui, c'est vrai. Avec Chichi. Je vous le ferai peut-être à un moment donné si j'arrive à retrouver. Faut que je rentre dans le rôle. Si j'ai pas le début de l'histoire, je peux pas faire la voix du dragon. Pense au petit Chichi qui va combattre le dragon. C'est pas Chichi, c'est Tsitsi. Tsitsi. Pourquoi j'ai dit Chichi? C'est pour ça que tu le retrouvais pas, c'est pas c'est le ça. Bon nom. Bah oui, c'est Chichi, ça fait Chichi. Chichi. Le dragon qui fait Chichi. Oui, ça passe pas. Alors, tu es l'empereur Chichi. Le dragon corse. Il crache du feu, mais pas de la même manière. Chers auditeurs corse, enfin, chers auditeurs... Non, ils n'ont pas internet, de toute façon, là-bas. Bon, de toute façon, on ne connaît pas de Corse, nous. Non, bah, de toute façon, ils ne savent pas où on habite. On a dû le dire. On a dû le dire. C'est plus la même maison. C'est allez-y, allez bombarder le kebab. Oh non, on aime bien quand même le kebab. Non, même il si est on gentil, mange beaucoup dit... moins de kebab depuis 2 ans. Ah bah c'est sûr que quand on habitait au-dessus, c'était facile le vendredi soir en regardant les essais de la Formule 1. Putain, la Formule 1, je sais pas qui c'est le champion des dernières années. Bon, c'est pas très difficile, ça a pas changé. Hein. Je verrai ça dans sa biographie. Non, t'as pas le droit d'acheter la biographie de Max Verstappen. Quoi? C'est Max Verstappen? Et ils sont où les 6 titres de Vettel? Ah non, Vettel était déjà parti avant que... Ah non, ah 2022. Il est parti quand Vettel? Ça fait quand qu'il est chez l'autre? Enfin, l'autre, il est chez... Ah non, c'était sa dernière saison 2022. Oh, c'est tellement vieux. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a enregistré une émission... Vettel avait des cheveux. ça se discute. Vettel était j'ai déjà... pas dit que c'était les siens, j'ai dit qu'il avait des cheveux. Vettel était déjà parti puisqu'on a enregistré en 2023. Ouais. Même si officiellement, nous n'étions qu'en septembre 2022. C'est vrai, ce temps béni. Juste pour la F1. Pour le reste, c'est très bien depuis. C'est les meilleurs 892 jours de ma vie. Donc Ah oui. Je suis d'accord. Même si on est épuisé, c'est génial. Ouais. Alors c'est terrible parce que je pensais qu'on aurait plein de trucs à dire sur les livres pour enfants et tout. Bah, en fait, au début, je pense qu'on aurait eu plein de livres parce qu'on a plein de choses à dire sur les livres au tout début, quand il est arrivé à la maison, qu'on a lu les premières histoires pour enfants, parce que c'était les débuts, justement. Donc, on avait plein de choses, on les découvrait. Là, ça fait 2 ans qu'il est avec nous. On les a lus, relus, et re-relus, et re-re-relus. Et du coup, c'est devenu banal. Ouais, puis il y a une quantité de bouquins qui est... Enfin, mine de rien, ça qu'on... On a un enfant, même si on ne lit plus nous actuellement, on sent qu'on a un enfant qui aime bien les livres. dont les gens ont compris qu'on aime bien les livres, puisqu'on récupère des livres un peu partout, qu'il a déjà 3-4 étagères de bouquins, qu'il a malheureusement des livres sur la pâte patrouille, je sais pas quoi en foutre, je sais pas les lire en fait. Tu sais, les mots se lisent de la même manière, même avec la pâte patrouille. Non, pas chez moi. Non, non, chez moi, tout ce qui est marketing, forçage, ça ne rentre pas. Même si j'ai terriblement envie de m'acheter une Tesla en ce moment. Mais c'est pas non. Vrai. Mais c'est juste pour avoir une voiture d'extrême droite. Non. Tu te contenteras d'une voiture coréenne. Sud-coréenne. Bien rattrapé. Je l'ai senti. Mais ouais, du coup, on sent effectivement que c'est un univers... Et c'est là aussi où nous, notre... Alors, on a forcément avec cet enfant un rapport au livre et au papier qui est un peu particulier. On gardera ça pour nous. On l'a trouvé dans un livre. il était là, il servait de marque-page. Dans une boîte à livres. C'est ça. Ça faisait quelqu'un, ça faisait 2 ans, il devait servir de marque-page dans un bouquin. Et puis voilà. Mais non, et pour le coup, c'est vrai que c'est agréable de voir, par exemple, quand il est énervé, de voir qu'il prend un livre, il va se mettre sur le canapé pour regarder les images. Voilà, et tu te dis, bon, en tant que parent, ça, on... On a déjà transmis le réflexe du livre. Le rituel du soir, il demande tous les soirs, et il choisit maintenant ses livres en fonction des histoires qu'il veut, etc. Oui, parce qu'on les a tellement lus depuis 2 ans qu'il les connaît bien. Oui, il les connaît. Et puis des fois où il est dans son lit, il raconte à Panda l'histoire du petit ours qui est en colère. C'est tellement drôle. Voilà, donc c'est... C'est le moment où je vais pleurer. Tu veux un petit mouchoir ? Non, ça va aller. J'ai mon slip. Non, t'as tes chaussettes. C'est les chaussettes que t'as enlevées tout à l'heure. Oui. Merde, je voulais inverser. Je vais garder mes chaussettes et retirer mon slip. C'est pas grave. Donc voilà, c'est vrai qu'après, c'est difficile de dire des choses, mais c'est une pratique de la... J'ai pas senti, la lecture m'a pas manqué parce qu'il y a quand même cette petite dose quotidienne. Oui. De lecture, qui n'est pas la vraie lecture pour soi, mais après tout, lire, c'est aussi... C'est un partage. C'est un partage, puis lire, c'est aussi s'inventer une histoire. Et je pense que quand on vient de vivre les 2 ans qu'on a vécu, est-ce qu'on avait besoin de se plonger dans un livre ? Moi, personnellement, pas nécessairement. J'avais l'impression de vivre une aventure au quotidien. De vivre un film, un livre, une adaptation d'une histoire vraie en livre, puis en film. Et en pièce de théâtre d'une durée de 892 jours. T'as de beaux yeux, tu sais. Ouais, écoute, je fais ce que je peux. Petit peu de peinture tous les matins. Ouais, je fais vraiment ça avec dans le détail, hein, pour mettre un petit peu de bleu, un petit peu de gris. Voilà. Des fois, je mets du rouge, mais ça se voit pas. Non, ça, c'est dans les yeux de... Je mets du bleu de Michel Pastoureau. Et du noir. Et du noir de Michel Pastoureau. non, voilà, que dire d'autre sur les livres pour enfants. Est-ce que tu as, toi, une préférence, une histoire, une... Alors oui, j'ai forcément une histoire préférée, mais qui n'est pas forcément liée à l'histoire, qui est liée à l'interprète de l'histoire. Alors, en dehors de Doudou est en colère. Non, j'ai pas forcément. Alors, j'ai celle que j'aime moins plutôt que mes préférées. Alors, je pense que celle de Pablo, tu l'aimes pas des mains. Non, non, je l'aime pas beaucoup. Non, mais celles que j'aime pas, elles sont souvent associées en fait. C'est juste que j'aime pas les lire à voix haute. Elles sont mignonnes, elles sont. Voilà. Oui, non, puis elles mais sont. Elles parlent à un enfant, elles vont parler. Que ce soit celle qu'on a lue ce soir où il veut pas aller à l'école ou. Celle dont c'était en livre de 2 ans, ouais, il disait non à tout là. Elle est pourquoi aussi. Ah oui, pourquoi papa. Ouais. Oh, en plus, le graphisme est nul. Enfin, il est pas. C'est un essai. C'est ça. C'est un graphisme fait à partir de recyclage. Après, il y en a qu'on adore, le petit chasseur de bruit. Ah oui. Ça là, on l'a pensé. Ah oui, oui. Du coup. Qui fait tellement bien le tonnerre. Le chasseur de couleurs aussi. Oui, aussi. Forcément lien avec Michel avec Pastoureau. Le lien. Voilà, c'est des petites histoires. Voilà, petit chasseur de bruit. C'est la même autrice en plus, je crois. Oui, c'est la même. Le petit chasseur de bruit, voilà, c'est un petit. Même auteur et même illustratrice, je pense aussi, parce que les dessins se ressemblent. Petite histoire assez rapide. Et voilà, c'est un petit. Et ça joue sur le fait que les enfants aiment la répétition. Un petit bonhomme ou comme 3 pommes, voilà, qui vit dans un monde où il n'y a pas de bruit. Et donc, du coup, il fait le tour. Du monde. Enfin, il vit dans un pays où il n'y a pas de bruit et il fait le tour du monde. monde pour chercher tous les bruits à offrir à son peuple. Tous les bruits à offrir à son peuple, donc la pluie, l'orage, les le avions. Nous, on rajoute les proutes, les trucs comme ça, parce qu'il faut bien, à un moment donné, diversifier l'histoire. Mais voilà, c'est effectivement... Et puis, c'est très ludique, parce qu'effectivement, on fait les bruits avec lui. On fait partie de ses parents qui font les voix, qui font... Toi, tu fais des super voix de dragon, de nounours en colère. J'aime bien les voix des mecs qui zozotent aussi un petit peu. Ah oui, j'aime bien les faire de temps en temps. C'est très drôle. T'as fait un lutin hier soir. J'ai fait un lutin hier soir. Ouais. Oui, c'est vrai. L'un des lutins. En fait, le truc, c'est quand t'as 3-4 personnages masculins dans une histoire, puis là, ça commence à arriver quand même dans les histoires. Mm. Faut que tu trouves un marqueur, en fait, pour la voix des personnages. Et c'est con, mais le zozotement, ça marche pas mal. Ouais. Et apparemment, moi, j'ai une manière de faire les voix de princesse. Ouais, toi, tu fais vraiment la princesse bourgeoise. Mais tu sens, en fait, on sent dans ta voix de princesse tout le mépris que tu as pour les princesses. Mais toi, quelle est ta préférée du coup ? Ma préférée. Il y a la préférée qu'on aime faire et la préférée qu'on aime parce qu'on aime l'histoire. C'est pas forcément les mêmes. Bah, la préférée que j'aime faire, c'est l'une des dernières, c'est le petit empereur de Chine. Justement, j'adore la voix. Parce qu'il y a la voix du dragon. J'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Alors c'est un petit empereur de Chine. Il est tout seul dans son palais. Je sais pas comment s'appelle le palais en Chine. Bah, la cité impériale. La cité impériale, voilà, la cité interdite. Oui, c'est ça. Voilà, où il est tout seul et puis entouré de ses enseignants et tout, voilà, de ses différents ministres. Et ministre du beau temps, ministre de la pluie qui tombe, ministre de la parole, etc. Et du coup, il faut qu'il aille sauver plusieurs villages et lutter contre un dragon que seul l'empereur peut vaincre en lui écrivant sur le front, mais il n'a pas le droit de lui mentir. Voilà. Donc l'histoire est quand même pas mal élaborée. Il y a 3 phases. Et en même temps, il y a cette voix du dragon et c'est là où voilà, c'est l'apothéose de l'histoire, la voix du dragon. Tu finis avec la voix et pour le coup, c'est le voir faire aussi sa voix grave. De parce qu'il fait de très ans, très bien la voix parce grave. Il le fait très bien aussi. Au donc... point de d'époustoufler Pascal, sa prof de musique. Sa prof de musique, oui, parce qu'il fait déjà de la musique. écoutez, il aura son bac dans 2 ans. On est des parents fiers et on vous emmerde. Mais non, du coup, ouais, de le voir en fait aussi qui s'approprie en fait les histoires. Mm. C'est très souvent en fait, on a le sentiment qu'on lit une histoire à un enfant et on se demande si ça l'intéresse, s'il comprend tout, etc. Et puis des fois, oui, tu le vois qu'il va soit reprendre des bouts de l'histoire, les conjuguer ouais. entre ah ouais. eux, soit raconter à son ours, soit tout simplement reprendre des voix. Et il est très doué pour reprendre les voix comme toi. Ouais, et typiquement, effectivement, le dragon là, il commence à bien la tenir aussi. D'ailleurs, ça commence un petit peu à me faire chier. On dirait quand tu fais ta voix de méchant de Batman. Putain, je fais des voix de méchant de Batman. Ouais, t'en fais qu'une. Je sais pas, moi, depuis qu'il m'a dit que j'étais Robin et pas Batman. Non, mais que pas lui, Robin. C'est Batman et moi, je suis son copain Robin. Il a clairement pas vu le truc. Toi, tu lui as dit que t'étais Alfred. Bah oui, je trouve que l'histoire est belle. Oui. Ça me dérange pas d'être le vieux, sauf quand il me dit « Papa, t'es vieux. » Parce que t'as des boutons. C'est un critère, tu es vieux parce que t'as des boutons. Voilà. Alors écoute, tu vas comprendre. Donc ses cousines à l'adolescence sont pas très plus vieilles. Tard, dans une dizaine d'années... J'espère pas trop pour toi, quand même. Que bouton est vieux, c'est pas forcément synonyme. Non. Mais je pense que sa grand-mère a des boutons, donc du coup elle est vieille. Donc du coup, quand on est vieux, on a des oui, boutons. Parce qu'il faut vous dire aussi autre chose. Notre famille ne s'est pas agrandie que d'un enfant. Elle s'est agrandie d'une grand-mère. Bref, on a plus de pièces. Hein. Ça sert. Il y a une cave qui pourrait servir à un moment donné. Vous pouvez encore postuler pour la cave. Oui, puis elle pourrait servir à un moment donné soit pour la vieille, soit pour le jeune. C'est pas. Non. Qu'est-ce que tu fais exactement là? Alors, non, je ne pratique pas des choses. C'est juste que j'aime bien. Parce que ça fait un peu longtemps qu'on est assis, mine de rien, ça fait 53 minutes. Alors, si tu veux, on peut faire une pause, vu que de toute façon, tu feras du montage. Mais j'ai les jambes qui gigotent. Voilà, donc je... Ça m'arrangerait qu'on fasse une pause. Voilà. Tu as envie de faire pipi? Oui. Donc, on peut te suivre. Oui. Mais non. Non, mais tu peux attendre, on a bientôt fini. Ah bah je sais pas, t'as prévu de faire un enregistrement, ça fait combien de temps qu'on parle là? Ça fait, mais tu n'écoutes pas, ça fait 53 minutes. Tu me l'as pas encore dit. Je l'ai dit pendant que t'étais en train de penser à tes toilettes. Non, je réécouterai, tu vas faire du montage. Donc du coup, toi, ton histoire préférée, c'est quoi? Après, on passera sur la suite, on finira et puis t'iras pisser. C'est vraiment parce que j'ai pas envie d'appuyer sur le bouton pause, parce que je sais pas ce que ça fait. mon histoire préférée, oh, c'est pas facile. Alors, j'ai bien aimé une des histoires que t'as pas encore lue, qui est dans le livre des contes de l'école. Ouais. Parce que en fait, quand je l'ai lu, je l'ai vu absorber l'histoire et se mettre dans vraiment se voir dans le rôle du héros de l'histoire. D'accord. Et je l'avais. Il aime qu'on lui lise les histoires, mais je l'avais encore jamais vu à ce point-là. Vraiment incarner le héros de l'histoire et se projeter dedans. Et c'est vraiment, j'ai aimé lui lire. J'ai hâte que tu lui lises pour que tu vois toi aussi. Alors il y aura un peu moins de découvertes parce qu'il connaîtra déjà l'histoire, mais que tu vois sa manière vraiment de s'approprier l'histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Bon, après, sinon, ma préférée, c'est Doudou est en colère. Hein. Mais oui. C'est à cause de l'interprétation. Je te la garde. Tu l'as déjà fait tout à l'heure. J'ai fait qu'un bout. J'ai pas explosé tout mon potentiel. Oui, mais t'as déjà exposé le summum, le point culminant de l'histoire. Oui, bah oui, j'ai raconté que l'orgasme. voilà. Mais j'ai pas raconté toute la phase préliminaire qui, dans une histoire pour enfants, est déjà pas à propos, est très courte. Oui. Ce qui arrange tous les hommes. Hein. Donc voilà, maintenant malgré tout, on a un petit peu l'envie de recommencer à lire des livres d'adultes. De sortir. Enfin, des livres qui ne sont pas des livres pour enfants. Voilà, même s'il peut y avoir orgasme après une phase de préliminaire. voilà. Tu crois que ça marche comme ça? On lira 892 nuances de gris, la version hardcore de 50 nuances de gris. Ça se passe pendant un mois d'octobre, qui est interminable. Mais du coup, peut-être se projeter sur la suite. Oui, oui, oui. Donc, en fait, on avait envie de recommencer à lire. Et alors, on a deux thèmes de 2022 qu'on n'a pas lus. Et on avait préparé le Challenge Lecture 2023. Oui. Dont je ne me rappelle plus aucun thème. Ah, bah, et moi, je suis très content de plus m'en rappeler. Moi, il est encore sur mon téléphone. Donc, ça va être une redécouverte, en fait. Quand on donc, va... en fait, on a décidé de... Alors, c'est quelque chose que j'ai dû préparer il y a un an. Déjà, on a pris acte de quelque chose. C'est qu'on est manifestement, y compris sans tenir compte de l'évolution de la structure familiale, on est manifestement dans l'incapacité De respecter un mois calendaire normal. parce qu'avant, le 892 octobre, il y oui, avait mais eu le 80... Après, on a eu une période mi-2002 où, en fait, on a déménagé. Où... Mi-2002. L'année 2002 a été très longue. Voilà, je veux dire, pendant le 2021, ça a été facile de s'y tenir. Oui. 2022, il y a eu le moment où on a commencé à se projeter pour déménager. Et où on a tout déménagé plus vite que prévu. Où on a tout mis dans des cartons et où ça a été un peu compliqué. Parce que, alors moi, à un moment donné, mes bouquins du Challenge Lecture étaient tous dans un carton qui était je ne sais où. Oui. Et du coup, en fait, ça a perturbé notre calendrier. Mais effectivement, maintenant, on est dans l'incapacité matérielle de respecter un calendrier de. Donc, on est parti du principe qu'on ne ferait pas une émission et pas un livre par mois, mais qu'on ferait à notre rythme. En essayant quand même d'être synchrone dans notre rythme. Ce serait mieux. Et donc, du coup, il y a un an, puisque ça doit dater d'il y a un an, j'ai écrit sur des petits bouts de papier les 12 thèmes de 2023 et les deux de 2022 qui restaient. Qu'on avait planifié. Faut rappeler que dans notre fonctionnement, on avait notre planning un à l'année. Thème par mois. On savait. À l'avance, nous, voilà, on savait à l'avance sur l'année complète quel thème. On les avait même pensés par rapport au mois, à la saison, etc. Et du coup, je les ai écrits sur un petit bout de papier que j'ai plié. Donc il y a 14 petits bouts de papier dans un pot. Et on va tirer au sort par une main innocente. Un petit bout de papier sur lequel on lira le thème du livre à lire pour la prochaine émission. Je vais aller réveiller le gamin. Non, on va plutôt chercher ta mère. Ma mère pour... Non, elle n'est pas innocente. Ma mère, innocente. Ouais, mais Théo, il ne pourra pas lire le livre, le titre. Bravo. Ah putain, eh, on se fait chier à lire des histoires, il est même pas capable de lire un truc de 30 ans. Bah non, il a 4 ans, il sait pas lire les mots encore. En plus, c'est moi qui l'ai écrit, il va jamais lire mon écriture. Hein. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas écrit en majuscule. Hein. Du coup, quelle va être la main innocente de nous deux? Bon, allez, moi. Vas-y, c'est moi qui ai fait les papiers, donc vas-y. Ouais, déjà, il faut qu'elle ouvre. Attention, le j'ouvre vocal. Le pot. Waouh, ça c'est un bruit de pot. Ça finira peut-être dans ma table de mixage comme un son. Vas-y, prends un petit bout de papier, tu vas voir que ça va être le thème du mois de novembre 2022. Ça va être le thème du. And the winner is. Il faut un roulement de tambour. Putain, on avait mis ça. Je vois ta tête, j'ai peur. Donc, nous devrons lire pour la prochaine échéance un huis clos. Oh, ça va. Ça va. Je vais te passer un de mes Agatha Christie. Il y a 50 000 huis clos dedans. Non, non, non. Laisse-moi chercher. C'est tout un processus créatif que de trouver le bon livre. D'aller chez Julien. Putain, aller chez Julien déjà. Déjà, aller chez Julien, ça va être énorme. Il va nous revoir. On va pouvoir lui redire qu'on a recommencé à lire. Mais oui. Donc voilà, c'est le prochain challenge, c'est un huis clos. Un huis clos. Ouais. Ça doit se faire, ça. Ça va se faire. Oui. C'est facile à trouver. On est vraiment obligé de lire. On peut pas faire on peut pas faire un livre, un film et nous. Pourquoi t'as envie de revoir un film? Oh, le film génial, là, avec Daniel Craig. Non, mais toi, t'es très typé huis clos Agatha Christie. Oui. Ah, j'ai lu aussi un Agatha Christie en cours de route. Oui, t'as lu Les Dix Petits Nègres. Enfin. Les Dix Petites Personnes. Ça s'appelle comment déjà maintenant? Les Dix Petits Soldats? Non. Attends. Comment ça s'appelle? Je vais prendre un livre pour chercher dedans. Mais... Parce qu'évidemment, faut plus dire ça. Mais enfin, il n'y a pas que. Mais c'est vrai qu'un huis clos, tu penses souvent à un truc policier. Il y a beaucoup de huis clos dans le policier. Alors, ils étaient 10. Ils étaient 10. Ah ouais, c'est nul. Mais c'est un très bon huis clos, Les Dix Petits Nègres d'Agatha Christie. Oui, c'est vrai. Ouais, écoute, préservons-nous pour cette émission. Sur les huis clos. Oui, et pas sur les policiers. Qu'on fera ça en huis clos. Ouais, c'est pas très dur ça. C'est vrai que toutes les émissions sont faites en huis clos. Enfin. Eh, tu te rends compte, il n'y a pas eu de chat qui a miaulé pendant l'émission. Non, non, c'est vrai. Camo, viens dire bonjour. Ils sont peut-être morts. Ils ont été bouffés par le gamin. Ça fait non, deux ans, en fait, que le gamin, il attend qu'on fasse une émission. Moi, on m'avait dit, moi, je vais avoir les parents qui font du podcast. Les premières occasions qu'ils font du podcast, non, je bouffe un chat. Regarde, là, l'heure, Cibou, elle est forcément allongée sur le lit en train de veiller. Oui, c'est vrai. En attendant qu'on monte. Et l'autre, là, il est... Elle trouve qu'on est un petit peu long. Il est en train de dormir sur ton costume de Père Noël. Oui, parce que je suis un homme qui a un pyjama de Père Noël, qui a un fils, qui a un pyjama de dinosaure. Hein. Non, c'est pas un pyjama. Non, c'est un costume. C'est un costume. Ça peut faire office de pyjama. Non, il pourra jamais aller faire pyjama. Il serait gêné avec. Par sa grosse queue, mais il peut avoir un pyjama. J'aime tellement quand il remue la queue comme ça. C'est drôle. Donc un huis clos. Un huis clos. Un huis clos. Donc, tu pensais à un film en particulier? Genre ton film de Noël préféré? Oui, c'est vrai, Les Huit Salopards, c'est un huis clos. Glacial. Non, c'est pas vrai. Il y a juste un petit peu de neige. C'est mon esprit glacial qui fait que c'est mon film de Noël préféré. D'accord. Il y a Le Froid et Du Rouge. C'est un film de Noël. C'est une façon de voir les choses. On en parlera dans des films et nous. Tu me diras, au niveau des films, c'est pareil. Ce qu'on regarde, c'est quand même beaucoup plus typé moins de 6 ans. Oui, alors c'est uniquement parce que la liste de Schindler, avant 5 ans, c'est peu recommandé. Non, puis moi je t'ai déjà dit que la liste de Schindler, je la regarderai sur mon lit de mort. Ouais. Parce que je ne veux pas le voir tout de suite. Tu veux que je précipite les choses, tu veux? Non, je n'y tiens pas. Parce que je tiens vraiment à ce que tu vois la liste de Schindler. Tu vas m'apprendre qu'il fallait que je fasse quelque chose qui... Non, non, non, mais je le lirai avant. Enfin, je le lirai. Je le regarderai avant. Je lirai la jaquette. Très bien. Le bon film. Trois étoiles sur Allociné. Mais je ne suis pas encore prête à regarder la liste Schindler. Un jour, je serai prête. Mais... Oui, quand je le reverrai en vrai, dans la rue, les gens se feront rafler. C'est possible qu'à ce moment-là, quand Trump aura fait péter le reste du monde avec Poutine... Voilà. C'était peut-être la dernière émission, on ne sait jamais, il suffirait ne serait-ce que ce soit un mois de mars à 48 jours et peut-être qu'on ne sera plus là. Pourquoi un mois de mars à 48 jours? C'est un hasard. Alors là, c'est vraiment, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de vanne, c'est vraiment un hasard des chiffres. Ça fait le 17 avril. Ce serait dommage que le monde s'arrête à, le monde s'arrête à 17 avril. Hey, toute ma vie, j'ai 40 ans. Et oui, mais tu meurs à 40 ans aussi. C'est pas grave. 40 ans et 364 jours. Si tout le monde meurt en même temps que moi, est-ce que c'est vraiment mourir? C'est un bon débat. Eh, mais nous ne l'aborderons pas dans cette émission. Non, nous l'aborderons dans la philosophie et nous. Enfilons la philo. Et ça, j'aime bien comme titre. Oh, je oui. dépose la marque. Enfilons la philo, c'est génial. Bon, bah, ça reste. Bon, bah, ça reste. C'est dommage. Comme c'est... Enfin, bon, bah, ça reste. Tu écris comment? Bomba. Ah, bomba, bomba. Bomba, ça reste. Bon, je pense qu'il est temps. On dit trop de conneries. Oui, puis moi, il faut que j'aille faire pipi. Voilà. Du coup, on va peut-être encore tourner autour du pot. Tant que tu mets pas ton bruit de cascade. Mais du coup, ouais. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine émission dans quelques temps. C'est ça. Le meilleur moyen de. Bah, c'est de... Pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, non, vu qu'on les a désertés. Il n'y en a plus. Non, de mémoire, on était diffusé sur PodCloud. Je sais même pas si PodCloud ça existe toujours. Je suspecte. Alors, sur Podcast Addict, ça y est toujours. Mais il n'y a que les dernières émissions qui y sont encore. Oui. Donc du coup, voilà, on se retrouve par ce biais-là. Activez les petites cloches de je ne sais pas quoi, les notifications ou je ne sais pas quoi. Rien. Je regarde trop YouTube. Lâchez un com et, sur je ne sais pas quoi. On peut mettre des commentaires sur les podcasts aussi. Il y a des commentaires sur Podcast Addict. Sur Podcast Addict, il y a des commentaires. Vraiment, je suis. Mais ouais. Enfin, des fois, quand tu lis quand tu regardes, enfin, quand tu écoutes des podcasts, quand tu vois les épisodes, tu peux. Alors, il y en a pas beaucoup. Mais je crois qu'il y avait On achève bien les endives, qu'il y avait des commentaires sur. Putain, on achève les endives. Écoutez, en fait, je pourrais ne pas le faire. Je pourrais regarder pendant que tu vas aux toilettes, mais je préfère regarder là, à l'instant présent. Tu vois, c'est. On l'appelle les indices. Mais je pense qu'il n'y a même plus de. Ah oui, cette émission est encore en ligne. Bien sûr. Et j'ai toujours un épisode à monter d'ailleurs. Je fais des podcasts, mais je ne les monte jamais. Tu veux dire l'épisode qui date de la maison des vacances Qui date. Non, celui-là, il n'existe plus. Non, celui-là, je l'ai quelque part. Merci, Bouchard. Non, on n'a pas le commentaire sur l'appelle les indices. Bon, alors ça devait être sur un autre, mais je suis sûre qu'il y avait y en avait un qui avait des... Je ne retrouve même pas où est-ce qu'il est, mon Podcast Addict. Alors, c'était peut-être au-delà de la bande-annonce mystère. Commentaire, non. Alors, on est en train de passer en revue tout le club 153. Qu'on salue. S'ils sont toujours en vie. Ah bah oui, ça fait la touche F1. Il y a deux commentaires sur Délivrez-nous. Hey. Commentaire Podcast Addict. Alors attention. On a pensé à tous les podcasts sauf à celui-là. Donc sur Podcast Addict, vous pouvez nous suivre, nous écouter et mettre des commentaires. Et il y a deux commentaires. Un de Nico Neko, qu'on salue s'il est toujours en vie. Il est toujours en vie. Je le suis sur Blue Sky. Et un de. Ça, j'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit. Faut que je change de lunettes. Erlandur. Erlandur. Les deux datant de 2021. C'est le frère d'Erland Moore. D'Erland Moore. Pourquoi j'ai rajouté ? C'est le R de dur. Et non, mais il y a deux commentaires sur Délivrez-nous. Ouais. Oh, y a je ne sais pas si c'est la fin d'émission la plus pourrave qu'on ait faite. Il y a imaginé un épisode. Combien de temps que tu dois monter le deuxième ? Mais le deuxième, j'ai un problème de son, en fait. Mais voilà, c'est... écoutez. Kakedi Cox, la chi compagnie. Il y a trop de podcasts, il faudrait que je fasse le tri un jour. On bande-annonce. Une bande annonce. Putain, hey, cette émission, tout ce travail sur le logo pour une émission. Le pilote, en plus, il s'appelle. Non, pas même pas de Formule 1, en plus. Non, non, non. C'est non. Terrible. Un podcast qui parle de bande annonce de films, de séries, de jeux. C'est ça qui était le concept. On avait tous peur que quelqu'un nous parle de jeux. Et j'assumais pas le truc. Bon, Bibiche, on va peut-être clore cette émission. Tout à fait, du coup, avec le fameux mot de la fin dont j'avais oublié. Ah putain, oui, j'ai oublié ça. Ça fait me revenir. C'est vrai. Alors, Bibiche, il est de tradition dans cette émission que tu nous quittes avec le mot de la fin. C'est-à-dire, c'est un mot et qui arrive à la fin. Et après, tu mets le générique. Et après, je mets le générique. Et là, j'ai plus besoin d'attendre puisque j'ai un petit bouton là. Et quand j'appuie, ça lance le générique. C'est mais il ne faut pas que j'appuie trop vite parce que quand je le lance, ça part. Je peux pas l'arrêter. Il part. Oui, c'est vrai. Il part. Et à la fin, ça clignote même quand il a fini dans la musique, continue encore à clignoter. Il faut que je réfléchisse au mot de la fin. Au mot de la fin. D'accord. Qui peut pas être prépuce. C'est déjà pris. Ah, par qui? Un autre podcast, le service après-vente du prépuce. Ah bah en même service temps. Service après-vente du prépuce. J'aimerais bien écouter pour voir ce qu'ils disent. Écoute, c'est passionnant comme sujet. Tu me passeras. C'est un podcast en 14 épisodes de 17 secondes chacun. C'est vraiment très intéressant. Bon bah le mot de la fin sera parentalité.